Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc, en fait, c'est un petit peu le comité de solidarité avec les apatistes pour ceux qui visualisent pas directement. Et on a un programme depuis des années, les troisièmes lundis du mois. Et donc, retransmis le jeudi matin de la quatrième semaine, de 8h à 9h30. Si vous voulez nous réécouter, vous pouvez aussi consulter notre blog, La Jungle des Luttes. Et donc, vous avez toutes nos émissions, sachant qu'on parle en général de luttes qu'on rencontre sur notre parcours en tant que comité de solidarité. Donc, souvent l'Amérique, mais aussi beaucoup ici, là-bas, plus loin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va être plutôt... par ici, on va aller dans le sud de la France avec des copains qui ont un projet. C'est un bateau pour mettre en place des projets collectifs. Donc ils vont nous en parler. Ils n'ont pas pu être avec nous puisque Marseille, ça fait déjà loin. Et on aura en deuxième partie un copain qui nous parlera d'une forêt, de ce qui s'y passe dans cette forêt, dans la région de Stuttgart. Donc on aura quand même une petite note pour nous renvoyer aux apatistes, puisque c'est quand même la base de cette solidarité qui nous ouvre justement à nous intéresser à toutes les luttes. Depuis toujours, le comité de solidarité s'est intéressé à créer des ponts. C'est un peu son objectif en tant que comité de solidarité, c'est être solidaire avec les apatistes, ce qui veut dire aussi surtout créer des ponts entre les luttes et essayer de voir comment on peut se rencontrer et être solidaire, et puis finalement créer des projets et peut-être en finir avec le système, ou en tous les cas nous inventer des nouvelles formes. Et donc c'est un peu ce que les apatistes ont pu proposer tout au long de ces années, puisque les apatistes ont 20 ans, ils sont soulevés en 1994 au Mexique. Et donc depuis, voilà, ils nous invitent à nous organiser pour créer un autre monde, et avec nos valeurs et nos principes, et donc en bas à gauche, c'est-à-dire en bas, depuis en bas, pas le pouvoir qui est corrompu, oppresseur, etc. On connaît la chanson. Et puis en bas, à gauche, voilà, anticapitaliste, clairement. Donc voilà, du coup, on rencontre souvent des gens qui sont en lien direct avec ces principes, qu'ils le mettent en application sans forcément faire référence aux apatistes. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on vous propose dans notre programme. Et donc, on vous remercie de nous écouter. On va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le programme. Tierra, la industria del terror se apropia de ella, no deja ni un rincón. Viejo sistema que ha robado por siglos mucha riqueza ya de nuestra nación. Máquina enorme que unos han creado de miedo, odio y discriminación, de destrucción y muerte sin sentido. Es imperial, guerra sucia, neoliberal, guerra sucia. Y en la montaña se prepara la revolución. Se prepara la revolución. Es la tortura, sistema habitual del policía para interrogar, y del secuestro los desaparecidos. Un genocidio pleno de impunidad. El batallón de Tepo se desplaza de Tlatelolco al vado de Aguas Blancas. Y allá en Chiapas, en aquel abro fuego, es imperial, guerra sucia, neoliberal, guerra sucia. la montaña. Se desata la revolución. Se desata la revolución. Se desata la revolución. Se desata la revolución. FPP, la jungle des luttes. Donc on commence avec Patchy et Isa qui vont nous parler donc de ce projet de bateau, l'association Lunapo. Donc on va les laisser nous en parler. J'ai absolument rien présenté, à hormis que finalement on se connaît surtout parce qu'au départ on a partagé cette solidarité avec les apatites. Donc on s'est rencontrés à diverses occasions, justement au Mexique, et puis ici, on a fait des choses, on fait des choses, on a envie de partager justement cette idée-là de ce que les apatistes appellent ce sexte international, là, le fait qu'on pourrait peut-être se rencontrer, partager, et faire et réussir à créer autre chose. Et donc, il y a votre projet qu'on trouvait intéressant, qui est, donc c'est nouveau, puisque c'est l'association, vous l'avez créée il y a un an. Et donc voilà, racontez-nous un petit peu ce que c'est ce projet, d'où ça vient, comment ça se passe, comment vous avez acheté ce bateau, comment vous est venue l'idée, ce que vous faites, etc. Donc on a le temps d'en parler avec vous, je vous laisse commencer. Bonsoir, vous êtes là normalement, hein, je crois que j'avais vu que vous étiez en ligne. Ouais. Salut à vous. Bah écoute, en fait, c'est plus vraiment un projet puisque maintenant le bateau, il est dans l'eau, il navigue, l'association elle est constituée et puis donc ça fonctionne. On peut dire qu'aujourd'hui c'est plus un projet, c'est une réalité pour nous en tout cas. Ce bateau, on l'a acheté il y a à peu près 2 ans. On l'a acheté en mars 2014. C'est parti d'un copain qui a trouvé un bateau qui était vraisemblablement un bon bateau qui valait le coup, qui était en cale sèche et qui coûtait pas trop cher par rapport au bateau que c'était. Bon, il coûtait quand même 10 000 euros. Et donc l'idée qu'il a eue, c'est que, bon, lui, il avait envie de ce bateau, mais il avait envie de ce bateau aussi pas pour son... Lui, il navigue déjà, il avait déjà eu des bateaux peut-être ou... Ouais, il est skipper, il y a plusieurs skippers en fait dans la bande là. Lui, il avait déjà eu un bateau et ce bateau-là lui faisait envie. Isa aussi, je crois qu'elle connaissait déjà le bateau. Enfin bon, il y en a plusieurs qui ont dit « Ouais, c'est un bateau qui vaut le coup. » Par contre, ce serait bien qu'on ait ce bateau-là, justement, pas pour qu'on fasse des navigations entre nous, mais L'idée est plutôt de voir comment un bateau aussi peut servir à mener des actions politiques, sociales, voire culturelles. Et donc en fait, c'est parti un petit peu de là. Du coup, on s'est retrouvé à une dizaine de copines et de copains, enfin à 10 exactement. Pendant quelques mois, en fait, on a discuté, on a échangé un peu nos envies, nos idées autour de ce bateau. Jusqu'à qu'on se rende compte que finalement, entre les 10, on pouvait acheter le bateau. Enfin, on arrivait à joindre la somme pour acheter le bateau. Ce qui nous a amené finalement. Donc, et puis on avait aussi, on avait la somme pour l'acheter, on avait l'envie et on partageait, on va dire, un peu la façon de voir les choses, de ce qu'on pourrait faire avec ce bateau, comment on pourrait fonctionner avec ce bateau. On partageait quand même pas mal de choses. Vous aviez déjà fait des choses avant ensemble, vous étiez plutôt... Oui, parce qu'on était déjà tous de différentes choses, mais essentiellement la chorale en fait. C'est toute une équipe là qui était dans qui chantait à la Lutte Enchantée à Marseille. Donc vous naviguez en chantant. Et ouais, donc du coup ça donnait la possibilité de naviguer en chantant. Mais non, mais on avait l'habitude de faire des choses déjà ensemble, d'organiser plus ou moins, enfin de fonctionner ensemble quoi. Et donc du coup autour de ce bateau, voilà, on a défini un petit peu l'idée de, alors acheter un bateau, ça voulait dire devenir propriétaire. Comment on fait ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de l'être? Bon, on a trouvé une solution qui nous permettait, on est 10 acheteurs donc et acheteuses, chacun a 10% du bateau, mais chacun n'a pas mis 10% en argent sur le bateau, quoi. Donc c'était un peu en fonction des possibilités de chacun. Ceux qui avaient plus d'argent en ont mis plus, ceux qui en avaient moins en ont mis moins. Et donc tout en étant propriétaire à 10% chacun du bateau, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir les 10 000 euros. Et qu'on avait aussi donc cette perspective de pouvoir faire des choses avec ce bateau. Les premières idées qu'on avait, c'était un peu peut-être de faire des projections, par exemple, de films militants sur les ports autour de Marseille ou autour de Marseille. Ça, c'était un peu une idée comme ça qui nous était venue. On s'est dit, bon, on pourrait déjà démarrer avec ça, avec ce bateau. Du coup, on l'a acheté en mars 2014. On l'a essayé quand même avant. On est parti les 10 avec le bateau. Il y a 3 skippers, 4 skippers qui étaient déjà dans les 10 acheteurs. On a constitué un petit groupe qui s'est nommé les 4L pour les 4 lignes qui définissaient notre fonctionnement. C'est dire si on a creusé la question. Mais en fait, on a creusé énormément la question, mais qu'on a réussi à résumer en 4 lignes. Et à partir de là, on a refait quelques travaux. Enfin, on a refait tout le carénage du bateau. Pareil, un peu sur le principe d'atelier où on invitait aussi d'autres collègues, même qui n'avaient pas acheté le bateau. Mais on commençait déjà à parler de cette idée d'un bateau collectif que nous, bon, on s'était retrouvé à 10 pour l'acheter, avec l'idée de le mettre à disposition d'un collectif ou d'une association plus grande. C'est ça qui nous a animé en tout cas autour de cette idée. Et parce que du coup le bateau, tous ces travaux là, ça a été il y a 2 ans, donc vous avez déjà fait tous ces travaux, mais vous avez fait vous-même ou du coup vous avez fait appel professionnels tous On a tout fait nous-mêmes, y compris le moteur qui a été refait par nous-mêmes, ce qui n'était pas une mince affaire. Mais non, le carénage, enfin tous les travaux qu'il y a eu à faire, ça n'a pas été forcément les 10 acheteurs, mais ça a été un ensemble de personnes. Dedans, il y en a un qui était menuisier, on connaissait aussi un charpentier marine. Bon, voilà, il y en a un qui est plus ou moins mécano. Bon, on s'est débrouillé comme ça et bon, on a remis le bateau. Il n'était pas en mauvais état en fait, hein, c'était plus une... remise à neuf. Le remettre à l'eau, mais c'était pas... Voilà, on a refait toute la coque. Par la suite, on a dû refaire le moteur. Quelques instruments à ranger aussi un petit peu, les rails, les choses comme ça. Et bon, on a fait 6 mois de travaux, en fait, mais qui étaient bien agréables aussi, quoi. Le bateau était en cale sèche. Du coup, on se retrouvait pour un week-end ou pour quelques journées où on bossait. On faisait la fête le soir sur le bateau à sec et voilà, c'était plutôt agréable, quoi. Et du coup, vous aviez conclu sur quoi une fois que les travaux ont été faits, du coup, finalement, parce que là, c'était pas une association pour le moment. Non, vous étiez là, juste. En fait, on a acheté le bateau. C'était déjà, on était vachement surpris d'arriver à joindre la somme. Donc une fois qu'on s'est vraiment décidé à l'acheter, en fait, on a défini un petit peu, enfin, à travers les discussions qu'on a eues, on a essayé de pas d'écrire dans le marbre, mais en tout cas de donner un peu les directions qu'on voulait donner à la future asso qu'il y aurait avec ce bateau. Une petite charte. Ça nous a permis, en fait, quand on a lancé l'association, donc il y a un an maintenant, d'avoir déjà plus ou moins toute une réflexion et un positionnement qui émergeait plus du groupe des 10 acheteurs. Oui, pour pouvoir avoir un esprit... Voilà, pour donner un petit peu la... L'idée que vous aviez qui puisse être préservée. Voilà, c'est ça. Et ensuite donc, on a, à partir du moment où on a ouvert où l'association a été créée, nous, les 10 acheteurs existent toujours formellement, mais le bateau a été cédé à l'association, y compris pour la gestion, la gestion entière du bateau, quoi, dépend aujourd'hui de l'association, quoi. C'est ça, donc du coup, dans cette association, c'est des gens qui, en adhérant à cette association, ils adhèrent, ils deviennent partie prenante de ce bateau, ils payent, parce qu'il faut payer aussi, parce que là, on parlait des 10 000 euros, mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de frais après autour. Ça veut dire que du coup, ça a été toutes ces autres personnes qui ont permis de pouvoir faire après, fonctionner, parce que j'imagine, après, une fois qu'il est dans un... Non ? Ouais, après, un bateau, c'est quand même beaucoup de frais. C'est un peu la difficulté de toute façon qu'on a aujourd'hui, puisqu'on n'a toujours pas de place au port attitré à un prix raisonnable. Du coup, on a fait quand même beaucoup de fêtes de soutien, et il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont soutenus sur le... ne serait-ce que même sur l'idée, quoi, même des gens qui n'avaient pas l'intention du tout de naviguer avec ce bateau, mais qui trouvaient l'idée séduisante et qui nous ont appuyés financièrement aussi à ce niveau-là. Ou en nous prêtant, en organisant des repas de soutien, tout ce type un peu de sources de financement assez qui sont assez utilisées généralement dans le milieu associatif ou militant. Mais l'idée, on ne sait pas jusqu'à quand on tiendra comme ça, mais effectivement l'idée c'est de pouvoir être sur un autofinancement complet, quoi, donc sans avoir à dépendre de financement extérieur pour que l'asso elle vive, quoi. Bon, du coup, vous avez bien avancé et le bateau navigue régulièrement, du coup. Ben ouais, le bateau, donc maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an qu'il navigue, puisqu'on l'a mis, hormis l'essai qu'on avait fait avant de l'acheter, on l'a mis à l'eau à l'été 2014. Il est arrivé sur Marseille fin août 2014, et depuis fin août 2014, il est sorti... à plusieurs reprises, mais ça c'est Isa qui vous en parlera plus que moi. Il y a eu différents projets qui ont été menés, donc aussi bien dans un sens social, comme on disait un petit peu au début, dans un sens politique aussi. Voilà un peu ce qu'on avait imaginé en fait en achetant le bateau. Je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en œuvre. Aussi un groupe plus large que les 10 acheteurs qui étaient au début, et aujourd'hui l'asso, il y a une centaine d'adhérents. Donc justement, cette association, elle s'appelle Lunapo. Tu peux nous dire ce que ça veut dire ? C'est l'ouvroir des navigations des possibles. L'ouvroir des navigations des possibles. Là, donc vous avez eu du mal à trouver le nom, parce que souvent c'est très dur de trouver des noms. Parce que ça sonne bien, Lunapo. On a trouvé le nom et on a eu beau multiplier les apéros, les différents états divers. ça a été très compliqué de trouver un nom qui nous convenait à tous. Mais celui-là, finalement, il est arrivé tardivement, mais il est arrivé à point, je pense. Bon. En tous les cas, c'est joli, ça sonne bien. Après, c'est plus dur à dire l'ouvroir de navigation des possibles. Ouais, non, mais on dit jamais ça. Hein. Non, mais c'est pour ça. Et du coup, Lunapo, t'es carrément dans un autre univers. Ça fait, il y a une jolie consonance. On va faire une petite pause musicale et du coup, on va voir en détail tout ce que ce bateau fait. Grâce à tous cette centaine de personnes là qui a ce bateau, la chance d'avoir ce bateau. Ouais, c'est ça. 6.3 FPP, on est toujours avec nos copains Isa et Patchy à Marseille, qu'on ce bateau, d'ailleurs, ben, je sais pas, le bateau il s'appelle pas Lunapo du coup, c'est l'association qui s'appelle Lunapo, donc ce bateau, ils vont nous dire comment il s'appelle d'ailleurs ce bateau. Et donc voilà, un projet de bateau qui va pouvoir naviguer avec plein de projets, qui ont plein de projets avec des relations avec d'autres associations, donc Isa, tu es toujours avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu nous parles un petit peu de ce bateau, de ce qui lui est arrivé, donc depuis qu'il a été remis à flot. Je répète vite fait pour ceux qui n'avaient pas suivi, 10 personnes qui ont décidé d'acheter ce bateau, puis finalement de l'ouvrir à d'autres, une fois qu'il a été mis à flot, de pouvoir l'ouvrir à d'autres et donc créer une association pour y développer plein d'activités. Et donc, raconte-nous un petit peu, parce que du coup, on ne sait pas bien finalement. On reste encore un peu dans le flou, c'est le suspense. Du coup, en fait, oui, cette aventure de 10 s'est transformée, c'était le but, en projet collectif. Et je pense que ce qui nous intéressait surtout, c'est bien sûr naviguer, mais c'était avoir une expérience politique autour de ce bateau, et notamment dans la forme d'organisation qu'allait prendre la gestion de ce bateau et l'organisation aussi des navigations. Voilà. Donc on a créé très vite, en fait, un petit collectif de gens qui étaient responsables. La forme de l'association, du coup, c'est une association avec un collège solidaire et pas un bureau. Du coup, on s'est retrouvé à peu près à 36 à vouloir être responsable du bateau au niveau associatif, mais aussi, en fait, à s'engager pour discuter ensemble sur qu'est-ce qu'on allait faire avec lui. Puis, du coup, donc 38, bon, en fait, il y a une quinzaine de personnes. Moi, je voulais, oui, stipuler quand même que je parlais en mon nom, puisque là, le collectif est pas très... Enfin, on n'a pas eu le temps de prévenir le collectif de notre intervention à la radio. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais du coup, en fait, très vite, le but, c'était que ce bateau navigue beaucoup et pour des projets qui nous tenaient à cœur. Patchy disait un peu des projets politiques directement. On a fait, par exemple, des soutiens à des manifs ou des luttes qu'il y avait, notamment quand la délégation mexicaine est venue des étudiants et familles d'Ayotzinapa, des 43 disparus. Ce bateau, on a fait venir le bateau avec des banderoles pour informer et pour accompagner les copains qui informaient autour de la venue de la délégation. On a fait aussi un truc avec un truc de soutien aux usagers de drogue et contre la pénalisation des usagers de drogue. On a fait des petits trucs comme ça. Et puis surtout, l'idée, c'était donc qu'ils naviguent et qu'ils fassent naviguer des gens qui, habitant pourtant au bord de la mer, ne naviguaient pas, quoi. Et donc on est nombreux, on est 100 adhérents dans l'asso, 38 personnes qui la gèrent, et du coup avec chacun ses propres réseaux, et on est arrivé du coup à avoir des liens avec une communauté Emmaüs, du coup à faire des navigations avec des compagnes et compagnons d'Emmaüs. Et du coup, de pas faire de la balade de compagnes et compagnons d'Emmaüs, mais d'essayer de faire vraiment des choses ensemble. Je pense que c'est ce qui nous anime. Voilà, puis avec aussi bon, un groupe de femmes, il se fait un bordel. Ce qu'on appelle un bordel, c'est un groupe de nanas qui ont envie de se retrouver à bord et se transmettre un certain nombre de choses et d'avoir des projets ensemble sur l'eau. Voilà, peut-être éventuellement aussi pour parler de la domination masculine. Il se fait du coup Patchy parler aussi de comment on a décidé de s'autofinancer. Et du coup, ben, se pose quand même le problème de ce port qui nous coûte beaucoup de fric. Et pour le moment, on ne souhaite pas avoir de subvention. Du coup, l'idée, ça serait d'avoir quand même des moments peut-être de location à des assos, mais avec des projets qui ont du sens, qui nous permettraient un peu de mettre un peu de rond dans nos caisses, mais sans faire de la location bête et méchante, et d'avoir des rapports commerciaux qui n'ont pas de sens, en tout cas pour nous. Voilà, on fait aussi une bouffe de quai par mois. Enfin, on essaie de s'y tenir, mais c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est ouvert à tous de manière à ce que vous puissiez récupérer les bénéfices. C'est-à-dire que vous faites un repas à prix libre ou quoi, ou c'est quoi votre resto à quai? Le but, c'est de prendre un quai, du coup, de pas prendre un quai et de pouvoir amener de la bouffe, peut-être en partie cuisinée sur le bateau, en partie ailleurs, et de faire un repas à prix libre, effectivement, qui nous rapporterait un peu de thunes, mais qui serait aussi le moment, sans obligation aucune, ni de naviguer, en tout cas, de faire des rencontres et d'échanger autour de ce que fait naître comme rêve. Le fait de naviguer ou ne serait-ce qu'un prétexte pour multiplier des rencontres et créer des liens. Voilà. Du coup, les personnes qui font partie de cette association, c'est autant des individus que des associations, ou finalement, c'est plutôt. Il n'y a pas d'associations qui sont adhérentes à cette association. Je dirais. Emmaüs, ils ne sont pas adhérents, par exemple. Adhérer si la communauté en question a adhéré, mais le but c'est que chaque compagnon et compagne ensuite adhère à son propre, son propre nom. Mmh. Voilà, pour que effectivement ça soit pas une association qui soit adhérente, mais des individus qui ont envie de faire des choses ensemble. Voilà. Et donc par exemple le bateau il part en mer régulièrement, toutes les semaines, souvent. Ouais, on essaie effectivement qu'ils partent le plus, qu'ils naviguent le plus possible. Après, on est 5 personnes à savoir naviguer. Et ça, c'était un de nos points faibles. Du coup, on est en train, là, de s'atteler pour organiser des moments de formation pour essayer de transmettre à ceux qui en ont envie dans l'assaut. Et éventuellement, on verra aussi en dehors de l'assaut pour que chacun puisse aussi un peu être un peu plus autonome, en tout cas à bord, et que ça soit pas le savoir qui soit chez 5 personnes. Ouais. Voilà. Et du coup, concrètement, ça coûte combien, par exemple, d'avoir une place au port? Parce que du coup, vous n'avez pas de place, c'est ce que tu disais. Ouais. Mais vous souhaiteriez en avoir une ou parce que comment ça se passe? Sinon, vous êtes comme dans un parking, vous vous déplacez ou? Non, on est dans une île au large de Marseille et on a un prix passager, c'est-à-dire on paye au moins ce qui la peau du cul, quoi. C'est vraiment le gros point noir de voilà. Et une place résident, en fait, ça se passe comme ça à Marseille et ailleurs. Hein. C'est qu'il faut être sur une liste d'attente. C'est comme il y a beaucoup de gens qui ont des bateaux dont ils ne se servent pas, mais pour les qui restent à pourrir sur l'eau, voilà, il n'y a pas de place rapidement, quoi. C'est vraiment la difficulté. Ce qu'on organise aussi, et ce qui est plutôt aussi dans le truc d'être, enfin de gérer soi-même le bateau, c'est qu'on organise aussi, des moments de maintenance du bateau, c'est-à-dire la prise en charge du bateau, c'est naviguer, mais c'est aussi maintenir, voilà. Et ça aussi, c'est des moments de partage, quoi, qu'on a, où on fait des chantiers participatifs sur le bateau pour le maintenir en état. Puis comme on n'a pas de rond, il faut avoir de l'huile de coude et des idées, essayer de faire de la récup et bon, voilà. Voilà. Et est-ce que du coup, vous êtes, il y a que des gens de Marseille, non? Je suppose que vous avez des personnes qui sont pas forcément à Marseille, qui font partie de votre association et qui participent au projet. Ou pour le moment, il y a que des gens qui sont sur Marseille? Non, il y a des gens effectivement qui sont de passage et qui se sont des fois qui ont voulu naviguer et puis qui ont adhéré. Et puis moi, ce que je trouve assez merveilleux, c'est que on a des copains aussi qui ont peur de la mer, qui ne voudront, enfin. disent maintenant qu'ils ne navigueront jamais, une copine notamment, et qui quand même fait partie du Collège solidaire, qui est à toutes les réunions et que ça anime énormément cette expérience politique de comment faire marcher ce bateau et faire que il ait du sens, qu'il reste dans nos au plus près de que les actions qui soient menées avec soient au plus près de nos convictions politiques. Voilà, donc moi je trouve que c'est ces ponts-là qui sont chouettes, qu'on navigue ou pas. C'est qu'est-ce qu'on imagine ensemble et que comment ça amène des gens à se projeter, même si concrètement ils partent pas en mer, quoi. Et du coup, je disais ça justement puisque nous on était à Paris, donc c'était plutôt un peu en me disant si finalement il y a des gens qui aimeraient avoir on peut partager quelque chose avec vous. Je me demandais s'ils pouvaient prendre contact avec vous. Si, je sais pas si vous avez un site, si vous faites des réunions, si les gens passent à Marseille, s'il y avait des gens qui étaient curieux de savoir comment on peut s'y prendre, parce que peut-être ça peut donner des idées à d'autres, ou en tous les cas, de vous rendre visite. Puis nous, le CSPCL, on aimerait bien, si ça se trouve, se faire un jour participer avec vous, organiser quelque chose. Il y a eu le projet, en tout cas, il y a plein de gens, donc chaque personne qui est adhérente peut amener ses propres désirs, son propre projet, et du coup, il y a eu, émanant surtout de Patchy et moi, suite en plus à notre présence au festival au Mexique, là, des rébellions et résistances anticapitalistes, contre le capitalisme, éventuellement de proposer que le bateau aille au Mexique pour soutenir les peuples en lutte. Du coup, voilà. Donc, pour répondre à ta question, en fait, on peut donner un mail, voilà, où on pourra peut-être. On n'est pas très encore. On n'a pas de. Ouais, au départ, c'est plutôt un réseau de personnes, en fait, réseau de connaissances qui petit à petit tisse sa toile, et c'est par rapport aux rencontres que vous avez fait. Ouais. Et du coup, voilà, ouais, y a un mail pour les gens que ça intéresserait. Après, voilà, on est tout petit. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, on essaie de se connaître et de se rencontrer pour essayer de faire des choses ensemble et pour essayer effectivement qu'on les permette ou offre au plus grand nombre. Ceci dit, en tous les cas, je dis ça parce que vous aviez tout à l'heure parlé du fait qu'il fallait quand même financer le bateau, ce qui coûte beaucoup d'argent. Et l'idée que vous puissiez éventuellement ouvrir cet espace, ce bateau, et le louer, moi je trouve que c'est une belle idée parce que du coup, ça peut. On a tellement besoin d'espace, bien qu'à Marseille, il y ait quand même pas mal d'espace où on peut faire, je sais pas, des projections, des repas, des choses comme ça. Je trouve que c'est des belles idées de pouvoir mettre à disposition le bateau, et moyennant, forcément, on est toujours un petit peu obligé de cotiser. Ce serait plutôt des cotisations à la limite plutôt que des locations. Enfin, si on peut l'entendre comme ça, non. Enfin, moi, je me dis, si à Paris, il y avait un bateau sur lequel on pourrait faire des projections, ce serait très sympa, quoi. Enfin, il y a justement des copains qui ont une péniche qui remonte des produits depuis le sud, et qui tous les ans faisait une distribution de produits en présentant un spectacle, donc en plein air, sur l'eau. Parce que bon, l'eau aussi, c'est tout un univers. Eh oui. Enfin, parce que du coup, c'est un projet qui me fait rêver, donc je suis très content que vous nous en parliez, qu'on puisse un petit peu rêver aussi, de se dire qu'il y a ce mot liberté un petit peu quand même. Quand il y a bateau, t'as ce sentiment de liberté, du coup, moi... Je trouve que c'est une belle idée, ce projet, en plus que vous ayez réussi à le mener jusque-là, finalement assez vite, sans trop tard. C'est une belle expérience, ça donne envie. Ouais, c'est un petit projet qui est en train, effectivement, de faire son chemin. Et bon, voilà. Du coup... On aura peut-être l'occasion de reparler du bateau, de voir quelles ont été vos nouvelles aventures. Peut-être qu'un jour vous arriverez, parce qu'il fait combien de mètres ce bateau ? 12,80 mètres, donc pas quasi 13 mètres. Bon, voilà. Ouais. C'est un beau bateau, un beau bateau de course, là, qui a couru la première transatlantique Cap Town Rio de Janeiro. Il a été construit à l'époque pour ça. Donc ça traverse l'Atlantique, ça. Ça traverse l'Atlantique. Ouais. Bon, moi, je peux pas dire que je peux me mettre sur la liste si jamais ça part au Mexique. Je suis jamais allée en mer, plus à part sur des gros bateaux là pour aller en Corse.

106.3 FPP, la jungle des luttes, programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc le comité de solidarité, vous pouvez nous rencontrer tous les mercredis soirs à 20h30 au 33 rue des Vignoles à Avron. C'est une assemblée ouverte, donc on parle de l'actualité du Mexique, des zapatistes en particulier, mais pas forcément, pas toujours. On a beaucoup parlé d'Ayotzinapa récemment, de la disparition des 43 étudiants, vous avez dû en entendre parler. Donc on a aussi plein de luttes avec ou en partage, ou en tous les cas qu'on a envie de partager, avec lesquelles on a envie de se rencontrer. Et donc on vous invite à venir nous rencontrer pour en apprendre et nous apprendre et partager. Donc tous les mercredis à 20h30, vous avez aussi la possibilité de consulter notre site cspcl.ovaton.org et de réécouter nos émissions également avec le blog Jungle des luttes. Et donc en tous les cas, on est en direct tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. Et on a tout à l'heure parlé, on était à Marseille avec des copains qui font partie d'une association, Lunapo, et en fait dont le projet c'est le bateau l'Albatros, ce qui va pouvoir porter plein de petits projets, plein d'activités, plein de rencontres et de partages. Et on va là faire une petite pause pour quand même être avec les zapatistes, les copains mexicains, et toute la banda, en passant un conte zapatiste qui a été lu par plusieurs personnes. Il y a un petit livre disponible, un livret avec tous ces contes, avec des CD, un CD où justement ces contes sont lus par diverses personnes. Là, on a décidé de vous passer, on en a passé déjà quelques-uns, et là, on a décidé de vous passer l'histoire des rêves. Et ensuite, on sera avec un copain qui nous parlera d'une forêt dans la région de Stuttgart et de tout ce qui s'y passe. On écoute l'histoire des rêves. L'histoire des rêves. L'histoire que je vais te raconter, personne ne me l'a racontée. Bon, mon grand-père me l'a racontée, mais il m'a averti que je ne pourrais la comprendre qu'après l'avoir rêvée. Je vais donc te raconter l'histoire que j'ai rêvée, non celle qui m'a racontée mon grand-père. Le vieux Antonio étire ses jambes et frotte ses genoux fatigués. Il lâche une épaisse fumée qui occulte le reflet de la lune sur la feuille toute luisante qui repose sur ses jambes, et il continue. Dans chaque cylon de peau qui naît sur le visage de nos grands ancêtres, nos dieux vivent et se protègent. C'est le temps de très loin qui parvient jusqu'à nous. À travers le temps, chemine la raison de nos ancêtres. Dans les plus anciens de nos anciens, parlent les grands dieux et nous l'écoutons. Quand les nuages se couchent sur la terre, en s'accrochant de leurs petites mains aux montagnes, alors les premiers dieux descendent pour jouer avec les hommes et les femmes et pour leur enseigner des choses véritables. Ils se montrent peu les premiers dieux. Leur visage est des nuits et des nuées. Rêves ils sont que nous rêvons pour devenir meilleurs. À travers les rêves, les premiers dieux nous parlent et nous enseignent. L'homme qui ne sait pas rêver reste bien seul et cache son ignorance dans la peur. Les premiers dieux enseigneraient aux hommes et aux femmes des maïs à rêver, afin qu'ils puissent parler, afin qu'ils puissent connaître et se connaître. Et il leur donnerait des noyales pour qu'ils cheminent la vie avec eux. Les noyales des hommes et des femmes véritables sont les jaguars, l'aigle et le coyote. Le jaguar pour combattre, l'aigle pour voler et rêver, le coyote pour penser et déjouer la tromperie du puissant. Dans le monde des premiers dieux, ceux qui formèrent le monde, tout est rêve. La terre où nous vivons Ils mourront est un grand miroir du rêve dans lequel vivent les dieux. Ils vivent tous ensemble, les grands dieux. Ils sont à égalité. Nul n'est en haut et nul n'est en bas. C'est l'injustice faite gouvernement qui détraque le monde et en place quelques-uns en haut et beaucoup en bas. Ce n'est pas un signe dans le monde. Le monde véritable, le grand miroir du rêve des premiers dieux, ceux qui firent naître le monde, est très grand et il y a place pour tous à égalité. Ce n'est pas comme le monde de maintenant qu'ils ont rétréci afin que très peu soient en haut et d'autres très nombreux en bas. Le monde de maintenant est mal fait. Ce n'est pas bon. Miroir qui puisse refléter le monde des rêves où vivent les premiers dieux. C'est pour cela que les dieux ont donné aux hommes du maïs un miroir dont le nom est dignité. En lui, les hommes se voient égaux et se font rebelles s'ils ne le sont pas. Ainsi commence la rébellion de nos premiers ancêtres, ceux qui aujourd'hui meurent et nous pour que nous puissions vivre. Le miroir de la dignité sert pour vaincre les démons qui répandent l'obscurité. Vu dans le miroir, le seigneur de l'obscurité se voit reflété comme le néant qu'il a formé. Face au miroir de la dignité, le seigneur de l'obscurité, c'est lui qui a fait le monde inégal, se convertit en néant comme si néant il était. 4 points ont été établis par les dieux afin que le monde puisse s'allonger. Non qu'ils soient fatigués, mais pour que les hommes et les femmes cheminent à égalité, pour que nous tous trouvent leur place et que personne ne soit au-dessus d'un autre. 2 points ont été établis par les dieux pour voler et pouvoir être sur terre. Et 1 point pour que les hommes et les femmes véritables puissent cheminer. Ils sont 7 les points qui donnent sens au monde. Ils travaillent aux hommes et femmes véritables. Le devant et l'arrière, à côté de l'autre, le haut et le bas, et le 7e et le chemin que nous rêvons, la destinée des hommes et des femmes du maïs, les vrais. Une lune sur chaque poitrine fut le cadeau des dieux aux mères, afin qu'elle alimente en rêve les hommes et les femmes nouveaux. En eux viennent l'histoire et la mémoire. Sans eux, c'est la mort et l'oubli qu'on mange. La terre, notre grand-mère, a 2 sens pour que les hommes et les femmes apprennent à rêver. En apprenant à rêver, ils apprennent à se faire grands, à se faire dignes. Ils apprennent à lutter. C'est pourquoi, quand les hommes et les femmes véritables disent « Allons rêver », ils disent, ils se disent « Allons lutter ». Aïe ouais ! Aurora, E sulla tolda squallida urla l'ascolta ognora. I nostri disimbolano fra fetide carene, siamo magri smonti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chi ne ha gemer sul remo, spezzan queste catene o chi ne ha remar morremo. Cos'è gementi schiavi questo remar remare, meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, al tele rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa col trice l'onda spumosa e ria, ma sorgan di sui martiri il sol dell'anarchia. Ma sorgan di sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiavi allarmi, allarmi, l'onda gorgoglia e sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiavi allarmi, allarmi, pugnam col braccio forte, Giuliam, Giuliam, giustizia, o libertà o morte. Giuliam, Giuliam, giustizia, o libertà o morte. Justice, liberté pour tous nos compas, ici, ailleurs, compas, c'est-à-dire compañeros y compañeras, compañeroas. Et donc, ouais, solidarité. On vous invite d'ailleurs justement à fêter nos 20 ans. On vous a déjà invité à fêter nos 20 ans, mais là, tous les 20 ans, bah, ça dure toute une année. Et donc, on voulait clore le 22 novembre avec une balade dans le 20e et un concert au CICP le soir. Donc ce sera le 22 novembre, bon, on a le temps d'en reparler, je crois qu'on aura un programme juste avant. Et le 21, il y aura un marché solidaire. En tous les cas, on a peut-être d'autres rendez-vous encore, mais là, on n'a pas les moyens de vous les donner. Mais soyez attentifs si vous voulez suivre un petit peu. On essaie de faire des choses avec la coordination de Paris Ayotzinapa aussi. On fait pas mal de trucs. On remercie ceux qui sont venus justement le 26 septembre à la manif et à la soirée de soutien. Et on vous invite du coup en tous les cas à soutenir toutes les luttes, à être solidaires. Et donc justement on a des copains qu'on connaissait pas jusque-là depuis 2012 dans la forêt, dans la région de Cologne, pas du tout Stuttgart, je me suis trompée depuis le début, mais Jens n'était pas encore arrivé pour rectifier. Donc c'est dans la région de Cologne, il y a comme une sorte de ZAD si on peut dire, en tous les cas des gens qui ont occupé une forêt qui est menacé par une mine de charbon à ciel ouvert. Donc il va nous en parler, on va avoir le temps de parler de les rencontrer et peut-être que du coup on pourra suivre ça de près, être prêt à répondre à leur appel, à leur demande de solidarité, de soutien. Donc merci d'être là et à toi, raconte-nous un peu donc ce qui se passe dans cette forêt. Voilà, donc la forêt de Hambach. C'est une des plus vieilles forêts en Europe qui est encore en état. Il y a beaucoup d'animaux uniques, beaucoup de plantes uniques qui se trouvent dans cette forêt. Et cette forêt, elle est menacée par la plus grande mine de charbon à ciel ouvert en Europe de l'Ouest, qui est, qui est la propriété de l'entreprise RWE. Et, une entreprise allemande. C'est une entreprise allemande d'énergie. Donc, et cette mine de charbon, elle s'agrandit chaque année. Et là, elle menace cette forêt et des villages. Et en 2012, des gens ont commencé à occuper cette forêt pour la protéger contre cette mine de charbon. Donc, oui, effectivement, on peut faire ce parallélisme avec la ZAD. cette occupation est dans un esprit libertaire. Donc, les gens sur place, ils s'organisent et ils vivent des expériences d'autogestion. Il y a des bouffes communes, il y a l'habitation commune. Il y a beaucoup de moyens de s'organiser qui sont testés et c'est tout dans l'optique d'arrêter cette mine de charbon. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont eu lieu et c'est des actions sur tous les niveaux. Donc on essaye d'attaquer sur des niveaux plutôt symboliques ou des actions plutôt directes, concrètes. Mais par contre, il y a que les, enfin, les, j'imagine que dans les actions, il y a les personnes qui occupent cette forêt, mais il y a aussi peut-être des gens qui habitent aux alentours, qui se mobilisent ou pas, ou ils sont isolés, ou ils sont en lien avec qui en fait ils sont. Effectivement, il y a des réseaux de solidarité, il y a des gens qui viennent pour soutenir les actions, pour participer aux actions. Le rapport avec la population locale, c'est un peu partagé parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent directement dans la mine de charbon ou qui sont payés par la mine de charbon et qui veulent juste quitter les lieux. Ils sont contents de déménager parce que l'air, elle est déjà bien polluée due à cette mine de charbon et aux centrales de charbon qui fonctionnent à côté. Une petite information intéressante, c'est que dans ces centrales, on brûle du charbon, pas seulement de l'Allemagne, mais aussi du charbon qui vient de l'Amérique latine ou de l'Asie. Parce qu'effectivement, en Allemagne, il y a beaucoup de charbon. C'est-à-dire qu'en France, on a le nucléaire et en Allemagne, il y a le charbon. En Allemagne, donc ça représente des gros volumes, en fait. Effectivement, la production d'énergie est basée sur le charbon. Donc, voilà, il y a des personnes qui participent et le nombre d'occupants sur place, elle augmente. Donc il y a des gens qui sont directement dans la forêt, dans les cabanes, dans les arbres. Il y a des gens aussi, c'est un campement juste à côté de la forêt, sur un endroit de camping. Donc les actions qui se passent... Mais eux, du coup, ils ont occupé depuis 2012. Mais c'est donc ça. Depuis 2012, j'imagine qu'il y a eu des moments de répression. Comment ça se passe? On est au courant qu'ils sont là ou finalement cette forêt, c'est suffisamment sauvage pour pouvoir être... Alors oui, on est au courant qu'ils sont là. C'est le but de cette occupation. Ouais. Que, tant qu'ils sont présents dans cette forêt, on ne peut pas commencer à couper les arbres. Donc à chaque fois quand l'entreprise commence à couper des arbres, il y a des grandes luttes, des gens qui s'attachent sur des arbres en hauteur ou en bas. Il y a des fois des gens qui tiennent dans des systèmes de tunnels très longtemps. Et il y a toujours beaucoup de police sur place pour expulser ces gens-là. Et pour la suite, souvent, il y a beaucoup d'arrestations et des procès assez sévères qui s'en suivent. Évidemment, les grands médias, ils n'en parlent pas. Donc, c'est seulement dans les médias alternatifs où on entend de cette lutte. Et vous pouvez aussi trouver des informations sur leur blog qui s'appelle hambacherforst.blogspot.de. Je vais dire lettre par lettre. Ouais. C'est hambacherforst.blogspot.de. Donc sur ce blog, vous trouvez en plusieurs langues, donc aussi en français et en anglais, un peu l'historique de cette lutte et des appels à des actions parce que actuelles. Du coup, eux, ils s'attaquent à la mine de charbon aussi parfois, parce que cette mine de charbon, elle est peut-être gardée. Comment ça se Exactement. Il y a des fois des appels à des grandes manifestations. Par exemple, cet été, très spectaculaire, il y a 800 personnes qui ont réussi, malgré la protection par la police et le service de sécurité de la mine, d'arriver sur la mine et d'occuper un grand excavateur de charbon. Et comme ça, ils ont réussi d'arrêter cette mine pendant plusieurs heures. Ou une autre action qui a eu lieu, c'est Justement, ce week-end, il y a des gens qui ont fêté une fête sur les chemins de fer qui sont prévus pour transporter le charbon. Donc aussi, cette action-là a bloqué cette mine pendant plusieurs heures. Par exemple, ce week-end-là, il a eu 26 arrestations. Jusqu'à maintenant, tout le monde est ressorti. Il y a des gens qui se sont enchaînés sur des excavateurs pour les bloquer. Donc, il y a en juillet qu'il y a deux personnes qui se sont enchaînées. Et là, récemment aussi, en fin septembre, il y a des gens qui se sont enchaînés sur les excavateurs. Ce qui fait que ça bloque la production à un moment. Voilà, tant qu'il y a quelqu'un enchaîné, ils ne peuvent pas bouger la machine parce qu'ils ne veulent pas mettre en danger la vie de cette personne. Donc, il faut qu'ils viennent couper les chaînes, etc. Donc, souvent, ces actions, ça bloque pendant plusieurs heures la mine. Ça veut dire pendant plusieurs heures, il n'y a pas de production de charbon. Et ils ont réussi, avec certaines actions, même de faire baisser l'activité de la mine, de la centrale à charbon d'à côté. Donc, c'est des actions qui ont vraiment beaucoup d'impact. Et c'est pour ça que la répression est très sévère aussi. Du coup, il y a vraiment pas du tout de personnes, des ouvriers de la mine qui sont solidaires avec eux, qui pensent que non, forcément pas. Plutôt, parce que ça, c'est plutôt pas. Non. Ouais. Et les gens de la région, du coup, non plus. C'est partagé, mais y a les... comme ils dépendent en grande partie directement de la mine, ils sont plutôt opposés à cette lutte. Donc les personnes qui sont venues occuper, c'est des personnes qui sont extérieures à la région, c'est des gens qui sont venus... Une bonne partie, oui. Ouais. Mais voilà, parce qu'ils ne voient pas donc la c'est mine pas for... Non, ce n'est pas forcément les gens locaux ouais. qui Et défendent, donc du coup, ce n'est pas forcément non plus des écologistes. Tu disais que c'était plutôt des libertaires. Enfin, c'est-à-dire pas ouais, c'est... avec une... Enfin, dans le sens où on pourrait se dire que c'est des écologistes qui pourraient avoir le projet d'occuper. Ouais, là, au départ, c'est plutôt des gens qui ont décidé de défendre et de pouvoir aussi créer une expérience, d'avoir une expérience aussi peut-être d'autonomie et d'autogestion et en même temps de pouvoir défendre des espaces qui nous appartiennent à tous. Quoi. Exactement. Cette idée de liberté elle est présente, mais le but principal, c'est quand même la protection de la forêt. Et la lutte contre le charbon et l'extractivisme. Donc, pas seulement dans cette région-là, mais aussi au monde entier. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que le charbon, il vient aussi de l'Amérique latine et de l'Asie. Dans ces mines de charbon là-bas, les conditions pour les ouvriers, ils sont horribles. Donc, c'est aussi une lutte qui est solidaire avec ça. C'est aussi une lutte... Pour le climat, si on veut, parce que brûler du charbon, ça augmente nos émissions de gaz à effet de serre avec le changement climatique. Et déjà aujourd'hui, on voit des conséquences avec des sécheresses, des pluies extrêmes, des gens qui n'arrivent plus à se nourrir par l'agriculture, etc. Et un lien de solidarité qui est très fort, c'est qu'ils ont sorti en 2014 la déclaration de la forêt d'Ahambach. En hommage un peu aux déclarations de la forêt des Lacandoniens, des Apatistes. Lacandon, oui. Et ils ne se voient pas comme un mouvement aussi fort et important que le mouvement Apatiste, mais ils se voient dans le même but, c'est-à-dire de lutter pour une vie en dignité et en faisant attention aussi à notre terre. Et c'est pour ça que je disais ça, dans le sens où c'est pas d'abord... c'est peut-être autant la défense de la terre qu'en tous les cas, la possibilité de pouvoir... parce qu'il faut pouvoir réussir à occuper, de vivre par ses propres moyens, de se créer les moyens de vivre avec rien dans une forêt. Donc c'est pour ça que je disais, faut au moins avoir autant envie de vivre l'expérience que de défendre la forêt, parce que tu t'improvises pas comme ça dans une vie de... Bien sûr, ça, surtout là, si on passe l'hiver en été, c'est un peu rude. L'hiver dans la forêt, c'est un peu rude.

notre chouette société. Un de ces vieux solidaires, viré par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. 106.3 FPP, vous écoutez La Jungle des Luttes, le programme mensuel du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est dans la forêt, pas très loin de Cologne, avec des copains. Et donc, qui ont occupé la forêt, donc une ZAD à leur façon. Et donc, on en profite justement pour saluer les copains de la ZAD de Notre-Dame. Vous l'aurez bien compris, on a toujours une petite pensée pour eux. On aura de leurs nouvelles très bientôt, je pense, dans le prochain programme. Et on les verra, j'espère, aussi bientôt, puisque on vous en a déjà parlé. Il y a la COP21, l'idée quand même de pouvoir se retrouver entre nous à cette occasion, l'idée de pouvoir nous échanger à notre façon aussi. Donc on aura l'occasion de se rencontrer, peut-être aussi justement, peut-être à inviter ses copains de la forêt. J'arrive pas du tout à prononcer le mot là, mais le nom de cette forêt, des Katadash Forst. Et c'est Ambara Forst. Ambara Forst. Ambara, j'arrive pas là. Ambara Forst. À la finale, c'est de la défense et de la terre et du territoire dont il s'agit. Et donc, on salue tous ceux qui défendent, la terre, ce qu'on a, notre espace, notre territoire pour vivre et pouvoir créer des choses. Et donc, justement, comme on le disait tout à l'heure, les copains qui occupent là-bas la forêt ont créé des modes de vie, leur propre mode de vie, une autonomie, une autogestion, avec toute la difficulté aussi, puisqu'ils sont réprimés forcément, avec du coup plein de projets et une charte justement en référence avec les apatistes d'une certaine façon, avec cette volonté de pouvoir créer des liens. Du coup, c'est un peu un processus, quoi. Du coup, ils ont donc occupé depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, il y a eu tout un processus. Oui, donc les liens sont très importants pour cette lutte autour de Hambacher Forst. Donc y a forcément des liens qui se font quasiment naturellement avec toutes les luttes contre l'extractivisme au monde entier. Donc, contre d'autres mines de charbon, contre l'extraction du pétrole, le gaz de schiste, mais aussi des mines d'or, etc. Il y a ces expériences d'autonomie comme le vivent les apatistes, comme exemple rayonnant, et comme le vivent les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Il y a des luttes, des liens avec les luttes pour les énergies renouvelables aussi. Sur place, dans la zone occupée, ils ont installé des petites éoliennes, des petits panneaux solaires pour couvrir leurs petits besoins locaux. Et effectivement, c'est des expériences importantes si on veut se poser la question comment autogérer notre société. Donc, déjà, comment on réussit à autogérer une petite société, certes dans un contexte très difficile, mais une petite société quand même. Et du coup, ils sont combien à occuper cette forêt ? Alors ça, c'est difficile à dire. 50, 100 Non, il y a quand même plus que 100 personnes. Après, ça varie beaucoup. Il y a des mouvements. Il y a beaucoup de fluctuations, des gens qui arrivent, des gens qui partent. Est-ce que du coup, comme ils appellent de temps en temps donc pour des actions, est-ce qu'ils appellent aussi les gens à venir occuper, à vivre sur place ? Alors, il y a cet appel-là qui est permanent. Donc, tout le monde peut venir passer un temps là-bas, s'impliquer dans les projets, mettre à pied recréer des nouveaux projets sur place. Tout le monde est bienvenu. Quand on est prêt à vivre en forêt ou dans une tente et de lutter pour le maintien de cette forêt unique et ancienne, finalement contre le réchauffement climatique. Tout à l'heure, tu as dit déjà le mot la COP21, c'est aussi une date pour ces gens-là. Faire des actions. Faire des actions pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les États et les grandes entreprises qui nous parlent du climat, mais qui mettent tout en place pour continuer leur production d'énergie polluante. Leur production, en se faisant beaucoup d'argent. En se faisant beaucoup d'argent sur le dos de tous les gens qui souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à respirer parce qu'elle est polluée. Ils n'arrivent plus à faire de l'agriculture parce que les sols sont empoisonnés, parce que l'eau est empoisonnée. Donc, voilà. Pour concrètement, dans cette région, dans le Hambacher Forst et autour, donc, c'est à côté de Cologne, il y a beaucoup de gens qui ont juste envie de partir parce que l'air, elle est polluée, elle n'est pas respirable, il y a beaucoup de poussière dans l'air. Ce qui fait que du coup, ils sont quand même assez isolés dans cette forêt par rapport à... D'où l'importance de finalement pouvoir aller les soutenir s'il y a moyen. C'est ça. Donc, les gens qui viennent de cette région, qui habitent là-bas, ils ont envie de partir. En grande partie, ils sont achetés par RWE, qui paye une nouvelle maison à chaque famille qui s'est fait délocaliser. Expulsée d'une certaine façon. C'est un moyen très, très courant pour acheter des gens pour des mines. Sachant qu'en fait, c'est la même réalité un peu partout. Du coup, le territoire, ils se l'approprient, ils vendent, enfin, ils achètent, les gens finalement finissent par se vendre. Parce qu'à force de venir proposer de l'argent, comme au Mexique, c'est un peu en France aussi, voilà, à force de mettre la pression, avec l'argent, ça finit par avoir raison de certaines personnes. Et une fois que c'est rentré, qu'ils sont dans. Qui a eu la brèche d'ouverture, c'est qui se sont immiscés, c'est très facile pour eux du coup de conquérir des territoires en fait sur le dos des gens en profitant de la misère dans laquelle ils nous mettent. Oui, c'est une mécanique qu'on retrouve Bien huilée. Ouais. Donc il est important de résister contre cette mine de charbon à ciel ouvert, de se rendre sur place dans le Hambacher Forst. Donc on va essayer de mettre un petit texte là sur notre site du CSPCL pour que les gens aient des informations s'ils ont envie d'y passer cet hiver au moment de la coupe des arbres justement. Donc je vous répète le blog, c'est hambacherforst.blogspot.de, donc c'est hambacherforst.blogspot.de. Et justement, on a aussi des copains qui résistent du côté de Bure. Donc, exact, ça aussi, c'est une lutte contre un grand projet industriel. À Bure, va être construit, ou c'est Areva qui veut construire un centre d'enfouissement définitif de déchets nucléaires à haute activité. Donc, il y a la maison de Bure qui résiste, il y a un campement qu'ils ont construit, et il y a très peu de gens vraiment qui sont sur place pendant tout le temps. Il y a des informations que vous pouvez trouver sur le site vmc.camp, donc vmc.camp. Et voilà, on en a déjà parlé. Donc, eux aussi résistent depuis déjà un bon bout de temps. Il y a eu pendant un temps des délais qui étaient pris de leur côté parce qu'ils ne savaient pas vraiment quel projet, profitant aussi du coup c'est toute une histoire de lobbying encore. Ça touche aussi d'autres régions. On parle de Bure, mais en fait, ça ne touche pas seulement Bure puisque l'enfouissement, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Le nucléaire en soi, ça touche beaucoup de régions, beaucoup d'endroits. Mais là, sur place, il y a des fouilles qui ont commencé. Donc, voilà. Il est plus urgent que jamais de venir et résister contre. Donc, vmc.camp, si vous voulez avoir des informations. Donc, en tous les cas, on vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Greg aussi pour la technique, les copains de Marseille, les copains de l'association Lunapo qui nous ont parlé de ce bateau et de tous ces projets qui vont naître sur ce bateau, à quai et sur mer. On vous appelle donc à rejoindre la forêt de Hambar. Et on vous invite aussi à regarder du côté de Bure. N'oubliez pas non plus Notre-Dame-des-Landes, les Apatistes. Bref, tout ça, ça rentre dans notre idée là de sexe international où c'est important d'essayer de se rencontrer. Donc, on vous propose de nous écouter le mois prochain, le troisième lundi du mois, et de nous rencontrer, si vous le voulez aussi, tous les mercredis à 20h30 dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles. C'est une assemblée ouverte. Donc voilà, si vous avez envie de venir partager, de la même façon que si vous avez envie de partager cet espace, si vous avez des informations de petites luttes et de résistances dont on n'aurait pas eu vent. Et voilà, cet espace est ouvert à ceux qui veulent nous raconter. C'est la jungle des luttes. Merci Jens. Merci à vous. On fait une petite pause musicale et pour vous quitter en musique au mois prochain. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. For those they arrested, for those who were killed. travail.